Chapitre 132. La manière de saluer les gens. Il est recommandé, pour celui qui salue, de dire « Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. » Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'expression restant au pluriel, même si c'est une seule personne qui est saluée. La réponse de cette dernière est « Et que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. » Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ajoutant donc « Et ». 851. Selon Imran ibn al-Hussein, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Que la paix soit sur vous, assalamu alaykum ». Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit à sa salutation et l'homme s'assit. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « 10 bonnes actions ». Un autre vint et dit « Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah ». Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit à sa salutation, puis après que l'homme se fut assis, il dit « 20 ». Un troisième vint et dit « Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions ». Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit à sa salutation, puis alors que l'homme s'asseyait, il dit « 30 ». Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 852. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Voici Gabriel, Djibril, qui te transmet le salam ». Elle lui répondit « Et que la paix soit sur lui, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. » « Wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. » Al-Bukhari et Muslim. La formule est rapportée entièrement dans certaines versions d'Al-Bukhari et de Muslim comme celle qui précède. Dans d'autres, elle est citée sans l'ajout et ses bénédictions, sachant que l'ajout des narrateurs dignes de confiance, thiqa, est accepté. 853. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de répéter trois fois ses paroles afin d'être bien compris. De même, quand il allait à la rencontre de gens, il les saluait à trois reprises. Al-Bukhari. C'est le cas si le nombre de gens qu'il rencontre est important. 854. Al-Miqdad, radiyallahu anhu, dans un long hadith, rapporte ce qui suit. Nous réservions sa part de lait au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui venait la nuit et nous saluait de manière à se faire entendre de ceux qui étaient éveillés, mais sans réveiller ceux qui dormaient. Un jour, il vint et nous salua comme à l'accoutumée. Muslim. 855. Selon Asma bint Yazid, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, traversa un jour la mosquée où était assis un groupe de plus d'une dizaine de femmes. Il les salua d'un geste de la main. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vraisemblablement salué à la fois oralement et de la main, comme l'indique la version d'Abu Daoud, « Il nous salua ». 856. Abu Jurayy al-Hujaymi, radiyallahu anhu, rapporte qu'il s'est rendu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui a dit « Sur toi la paix ». « Ô messager d'Allah, alayka salam !» Il répondit « Ne dis pas sur toi la paix, car c'est le salut que l'on adressait aux morts avant l'islam. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ».